Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Que s'est-il passé le 12 septembre 1940 ? D'innombrables événements sans doute, et certainement tragiques, mais sous terre, en France, quelque part dans le Périgord, une découverte eut lieu qui bouleversa les préhistoriens. À qui devons-nous cette rencontre avec l'art pariétal ? À un lapin, à un chien, à deux jeunes garçons, et, pour ce qui concerne la conservation de ce qui est devenu notre patrimoine, richesse de l'humanité tout entière, à l'enrobement dans une couche d'argile du sommet de la grotte et qui empêche les infiltrations d'eau. Ce soir en France, reportage aux grottes de Lascaux, première diffusion sur la chaîne parisienne le 26 septembre 1948, époque où l'on pouvait visiter sans trop de problèmes la grotte en question. Ici, la grotte de Lascaux à quelques 25 mètres sous terre, sous cette campagne périgourdine qui déploie, qui déroule sous le soleil ses bois, ses plaines, ses collines, ses vallonnements. Nous voilà donc dans la grande salle en retombe de la grotte de Lascaux. Et si nous ne craignons pas d'être accusés de profiter des circonstances, nous dirions que tandis que nous parlons ici, notre voix éveille des échos qui ont plus de 20 000 ans. Mais avant de vous décrire cette grotte et avant surtout de vous parler des peintures qui en font le principal intérêt, nous voudrions remonter non pas à ses origines, mais tout au moins aux origines de sa découverte. Car nous avons à côté de nous, en attendant l'arrivée de M. Yvon Delbos et de M. Lacoste qui vont inaugurer la grotte tout à l'heure, nous avons à côté de nous les deux garçons qui, eux, l'ont découverte. Ils l'ont découverte il y a un certain temps, ils sont là avec leur instituteur, M. Laval. Il y a combien de temps exactement que vous avez découvert cette grotte ? 8 ans, monsieur. C'était de quelle date, vous en souvenez certainement ? Le 12 septembre 40. Vous aviez quel âge à l'époque ? 15 ans. Est-ce que vous pourriez dire vos noms ? Voulez-vous approcher ? Ils sont deux. Quels sont vos noms ? Moi, Jacques Marsal. Et Marcel Ravida. Alors, racontez-moi dans quelles circonstances, comment vous avez été amené à découvrir cette grotte ? C'est tout à fait par hasard. C'est-à-dire que nous chassions dans les environs et justement le chien... Et vous y preniez de bonheur pour chasser, dites-moi. On chassait sans fusil. Oui, ah bon ? Le chien de mon camarade qui suivait un lapin est descendu dans un trou. Et c'est le chien ne pouvant plus remonter, nous nous sommes décidés à descendre, et c'est comme ça que la grotte a été découverte. Mais comment êtes-vous descendu ? Ça a dû vous donner beaucoup de difficultés, ça ne devait tout de même pas être simple. Non, puisque justement il fallait agrandir au fur et à mesure de la descente, parce que le tout était très étroit. Et c'était assez risqué, dites-moi. Ça a été assez. Et tout ça pour l'amour d'un chien ? Pour l'amour d'un chien. Remarquez, on n'avait pas beaucoup réfléchi, peut-être. Oui, vous étiez jeune. On était jeune, oui. Et combien avez-vous descendu comme ça ? Dans une sorte de cheminée, alors ? Oui, une cheminée qui faisait 7 mètres environ. Et ensuite, il fallait se laisser glisser sur l'éboulement de l'entrée. On se laissait glisser sur le derrière, jusque dans la grotte même. Et alors là, quand vous avez été dans cette grotte, vous aviez quelque chose pour éclairer, pour voir ? Non, le premier jour, nous n'avions que des allumettes. Alors, nous avons simplement vu que c'était une caverne assez vaste. Et le lendemain, nous sommes revenus avec des lampes acétylène. Et vous n'aviez toujours rien dit à vos autres camarades ou à vos parents ? Non, on n'avait rien dit. Vous aviez gardé ça pour vous ? On avait gardé pour nous. Alors... Justement, je savais que mon ancien instituteur, M. Laval, s'intéressait à la préhistoire. Et justement, je suis allé le trouver pour que le faire venir à la grotte le plus tôt possible pour qu'il puisse... Monsieur Laval est là, nous allons l'interviewer. Je voudrais quand même vous demander une chose. Avant, lorsque vous êtes arrivé dans cette grotte, il a tout de même fallu que vous remontiez. Comment avez-vous fait pour remonter ? Vous savez, c'était plus facile pour remonter que pour descendre. Parce que pour remonter, on pouvait s'agripper sur les côtés des parois. Parce que pour descendre, on était obligé de se laisser dégringoler complètement. Et le chien, au fait, qu'est-ce qu'il est devenu dans l'histoire, le chien ? Le chien est remonté, on l'a remonté avec lui. Il était vivant, il ne s'était pas cassé les pattes ? Non, il n'avait absolument rien. Seulement, il ne pouvait pas remonter dans la cheminée. Ah, monsieur Laval, alors approchez-vous maintenant du micro. Monsieur Laval, vous venez d'être décoré ce matin des palmes d'officier d'académie par monsieur Yvon Delbos. Non, c'est pas... La rosette. La rosette d'officier d'académie, enfin, c'est tout de même des palmes qui sont au bout du ruban. Oui, oui, oui. Et alors, quelle réflexion avez-vous eue lorsque vos élèves sont venus vous dire qu'ils avaient découvert... D'abord, je n'ai pas cru à cette chose-là. Je me suis demandé si ce n'était pas des pires figures, vous savez, dont on trouve beaucoup d'exemples sur nos coteaux. Il y en a qui représentent soi-disant Napoléon, d'autres la Vierge. Et alors, je n'y croyais pas. Mais ils ont tellement insisté que je suis venu aux abords de la grotte. Et le premier abord n'a pas été très intéressant pour moi, puisque je me suis fichu la figure dans les ronces. Et c'est à cause d'une femme, d'une campagnarde, qui a dit, eh bien, moi j'y descends. Et pour ne pas avoir l'air plus capon qu'une femme, j'ai suivi. Et le courage des hommes est fait de cette... C'est de l'amour propre. L'amour propre masculin. C'est ça même, oui. Et alors, lorsque vous êtes descendu, vous avez été convaincu? Ah oui, oh, alors, je vous assure, j'étais fou. Le soir, j'étais complètement fou. Et alors, j'ai alerté, tout de suite, l'abbé Boy, qui était à l'école Bossuet. Un grand spécialiste de préhistoire. Ouais, surtout dans les gravures pariétales. Il est tout à l'heure à Johannesburg, il est à la colonie du Cap Portland, il a été parmi nous aujourd'hui. Et nous avons vécu 3 mois ensemble avec mes jeunes gens là, qui ont bien écouté leurs leçons. Du reste, si vous les entendiez donner des explications sur la grotte, ils la connaissent à fond, si je puis dire. Et sans doute qu'ils servent de guide maintenant? Ah oui, oh, c'est tout naturel. Et qu'est-ce que l'abbé Breuil a dit au premier abord de cette grotte? Est-ce que ça l'a étonné là? Est-ce que la fraîcheur des peintures l'a étonné? Étonné. Il m'a dit, mon cher ami, c'est presque trop beau. Oui, il m'a sauté au cou avant, ce qui me fait bien plaisir. Oui, mais je peux dire que ces jeunes gens, Marcel Ravida et Jacques Marsal, m'ont donné une des plus grandes joies de mon existence. Périer. Et je le... Périer. Nous ne dirons pas... Ah, je me demande pardon, il y a quelques assistants qui regardent évidemment la petite opération que nous sommes en train de faire, car un micro, ça éveille toujours une certaine curiosité. Monsieur, vous avez prononcé un nom, qu'est-ce que vous vouliez dire? Périer, je parle du domestique, il était ce monsieur Parbeau. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec monsieur Ravida. Il était avec monsieur Ravida, qui a participé alors à la première découverte. Ah, il a participé également à la découverte, et bien voyez, son nom a été prononcé. Ah, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert la grotte de Lascaux, finalement. Alors nous avons donné le dernier mot quand même à monsieur Laval. Il a dit tout à l'heure que ses deux élèves lui avaient procuré les plus belles joies de sa vie. Oui, les plus pures, sans déance. Nous ne vous demanderons pas si comme élève, il vous procurait également de grandes joies. Bon, alors parlons d'autre chose. Non, mais permettez-moi de vous dire que s'il n'avait pas eu ce dynamisme qui était un peu encombrant dans une classe, il n'aurait pas découvert la grotte de Lascaux. Eh bien, merci infiniment, monsieur Laval. Et maintenant, nous allons nous avancer dans la grotte. Elle est là devant nous, comme je vous l'ai dit, en forme de rotonde. C'est une rotonde de chaos rocailleux, de pierres de couleur ocre dans l'ensemble, un peu argileuse. Et sur ces pierres, sur ces parois rocheuses, des fresques de peinture. Des fresques de peinture absolument étonnantes, je devrais dire, vraiment abasourdissantes de vérité et de conservation. Voici ici un auroch peint en noir et en rouge, poursuivi par des chevaux. Je m'approche d'une autre fresque un petit peu plus loin qui représente des cerfs d'un délié et d'une finesse extraordinaire. Voici un combat de rennes, là. Voilà des gravures dans la pierre également. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est la conservation et la pureté des traits de tout cela. On dirait vraiment que cela a été peint il y a 40 ou 50 ans. Et si dans quelques milliers d'années, lorsqu'on retrouvera ces figures, lorsqu'on retrouvera ces fresques qui seront certainement aussi bien conservées que maintenant, et que l'on retrouve également en même temps quelques débris de céramique de certains peintres fameux d'aujourd'hui, en comparant les deux, est-ce qu'on ne pourra pas se demander où est la vraie préhistoire et où est la vraie civilisation? Là devant nous, dans le roc, prennent leur départ deux galeries dont tout le parcours n'est d'ailleurs pas complètement exploré. Et c'est de l'une de ces galeries que l'abbé Breuil a dit qu'elle était véritablement la chapelle Sixtine de l'art pariétal. D'ailleurs, la chance d'avoir notre micro, M. Blanc, directeur des antiquités préhistoriques pour toute la région du Lot, de la Gironde et de la Dordogne. Je voudrais vous demander, M. Blanc, à quoi vous attribuez l'extraordinaire fraîcheur des fresques de la grotte de Lascaux? La fraîcheur extraordinaire de ces fresques-là est due à l'enrobement dans une couche d'argile du sommet de la grotte. Qui empêche les infiltrations d'eau. Qui empêche les infiltrations d'eau, en effet. Une deuxième condition qui a été remplie tout naturellement, c'est que la vapeur d'eau qui était en excès dans cette grotte trouvait un exutoire naturel dans le trou qui a permis aux jeunes inventeurs de pénétrer les premiers dans cette grotte-là. Et enfin, parce que la circulation d'air à l'intérieur de la grotte était très réduite, si bien que l'action néfaste de l'air ne s'est pas manifestée sur les parois et a permis aux peintures de conserver toute leur fraîcheur originale. Est-ce qu'il est exact que ces peintures soient les mieux conservées de toutes les grottes préhistoriques? C'est parfaitement exact. Il n'y a pas de peinture plus fraîche dans toutes les autres grottes préhistoriques du monde entier, si bien que la grotte de Lascaux est une richesse de l'humanité tout entière. Bien, je vous remercie infiniment, Monsieur Blanc. Et maintenant, l'inauguration officielle de la grotte de Lascaux est terminée et nous regagnons le grand jour. Vous avez certainement saisi la différence de tonalité. Et M. Yvon Delbos, qui vient d'inaugurer la grotte, s'approche à présent des deux garçons qui l'ont découverte pour les féliciter. Mon cher Ravida, mon cher Marsal, je suis particulièrement heureux de vous féliciter. C'est à vous qu'est due cette magnifique découverte. Il y a sans doute une part de hasard, il y a aussi une large part de votre esprit d'initiative, de votre audace et de votre intelligence. C'est de tout cœur que je vous félicite. Je vous remercie beaucoup, monsieur le ministre. Et maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, nous diriger vers monsieur André Mauroy, dont je vous ai tout à l'heure signalé la présence. Monsieur André Mauroy est un périgourdin, sinon d'origine, du moins je pense, de cœur et d'adoption. Est-ce que c'est la première fois, maître, que vous veniez à cette grotte? C'est la première fois que je venais à cette grotte, mais pas la première fois que je venais à Montignac, que j'aime beaucoup. Le Périgord est une province où je passe toutes mes vacances et pour laquelle j'ai énormément d'affection. La grotte, je la trouve vraiment admirable. C'est une des choses les plus étonnantes qu'on puisse voir en France et au monde. Et il est inouï de penser que des artistes qui vivaient en ce temps pouvaient avoir la rapidité de trait et la beauté de dessin que nous venons de constater. C'est une impression inoubliable. Bien, maître, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu nous dire quelques mots. Et maintenant, sur ces impressions de M. André Mauroy, nous allons, si vous le voulez bien, terminer ce radio-reportage. Ici, la grotte de Lascaux. J'aurais presque envie de vous dire ici le début de l'ère quaternaire. Radiodiffusion française. C'était Ce soir en France, reportage aux grottes de Lascaux par Michel Droit. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 26 septembre 1948. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.